l'addiction corrosive. Tu sens sur les mains brûlées, couture folie. Appuie sur rec ou sur la gâchette, fais pas de mini. Derrière le mic pour te la mettre direct dans le huc. Dans la rue, tu peux crever d'une balle dans la nuque. Muni d'un micro 357 sans silence. Depuis mon arrivée, les concurrents sont tous soucieux. Bref, leur approche, je suis toujours sur les lieux. Je plaide coupable, si je suis repéré, tant mieux. Lyrique à l'empreinte, ineffaçable. Suspect numéro 1, les carnivores passent à table. Vu que nombreux des faux MC sus pour marcher. Détonne pas de les voir en concert au supermarché. Pas très soirée, grave de tourner, pété au rhum en brie. Je suis un gentil dans les bras du mal, pourquoi je sais pas. Si je vois le diable, j'y demanderai. À l'heure du crime, tu dors et au réveil, t'as plus rien dans le salon. Mes salauds sont hardcore, le soir ça trime pour que les beaux jours soient. On reste à rôder avec les arrogants. Des bandes, des thérapies, crave la coupe. Et pour que les clients meurent pas dodés. D'un cerveau, je suis doté, je fais des crimes en beauté. C'est au somme qui est dopé. Aujourd'hui, les frères, y'en a pas beaucoup dopés. Une tête tente, mais pas le cahier peut raturer. On ne s'est perturbé. Qui aurait pensé qu'on peut raturer? Je suis pas béton, non. Parfait, non, le crime, moi non, qui pensais que ça non, pouvait pas exister comme une pétasse clean. Voici l'heure du crime, brolique, audiophonique. Appuie sur rec ou sur la gâchette, fais pas de mimique. Voici l'heure du crime, on rêvait plus rien dans le salon. Mes salauds sont hardcore, le soir ça trime pour que les beaux jours soient longs. Voici l'heure du crime, non, ce n'est pas un jeu, hey. Donc sortez les gilets par balles à l'arrivée d'IGE. Voici l'heure du crime, on s'apprête à flinguer. Pourtant les guettes à poil se mettent à poil craquer. Genre le max c'est un hold up, tout le monde à terre. L'heure du crime a sonné, t'as 12 mesures pour faire tes prières. J'épargnerai tous ceux qui ont reconnu Z au Z. Pour les autres vous n'avez qu'à mettre des S à la place des Z. Flow saccadé comme les rafales du M16. Le sac à dos rempli par le soutien des bons. Les autres les baissent, donc couche ta tête seulement si ça te plaît. Mais à la fin s'il vous plaît, je veux que mon sac soit complet. Le micro tire à balle réelle, ce n'est pas un jeu. Donc sortez les gilets par balle à l'arrivée du GE. On s'en bat les couilles, dealer NEH. Arrêtez le rap, c'est trop dangereux, mettez-vous au calme. Je déboule avec mon armée, clic de tueur né. À l'heure où vous dormez, ici ça rap chambé. Projet, l'engin, je nique dans tes enceintes. La prod est un vagin, baisse là où reste ton chien. J'enchaîne et maintiens le niveau. Malmène mes rivaux, crime au micro, m'amène au nigo. Je viens laisser mon empreinte et les MC à plat ventre. Je les hante et les vins, termine dans leur vin. Font tous dans le froid, la fois même qu'on s'affronte. Verbal et mon Glock pour te foutre là. Est-ce que t'entends? En bas de la banque, on s'apprête à flinguer. On donne les guettes à boy, ils se mettent à pas le traquer. Ok, ok, yeah. Hey, on passe aux choses sérieuses. Musical jury, hey, c'était que la trop ça. Wow. Ça y est, je l'ai, mon vieux. Hein? La voilà, ma poule. Non, t'es un chien. On la goûte, quoi.